Chapitre 3e. Une nuit, le chevalier, sans éprouver une perte considérable, vit son bonheur fléchir un instant. Ce fut alors qu'un petit homme vieux et sec, vêtu d'une façon misérable et d'un aspect presque repoussant, s'approcha de la table de jeu, prit une carte d'une main tremblante et la couvrit d'une pièce d'or. Plusieurs des joueurs regardaient le vieillard avec un étonnement profond et le traitaient avec un mépris marqué, sans qu'il parût s'en émouvoir, sans qu'il prononçât une parole pour s'en plaindre. Le vieillard perdit. Il perdit une mise après l'autre. Mais plus sa perte s'augmentait, plus les autres joueurs paraissaient s'en réjouir. Lorsque le vieillard, doublant toujours ses mises, eut enfin perdu 50 louis sur une carte, l'un d'eux s'écria en riant aux éclats « Bonne chance, signor Vertua. Ne perdez pas courage. Continuez de ponter. Vous prenez le chemin de la fortune, et vous ne tarderez pas à faire sauter la banque. » Le vieillard jeta un regard de basilic sur le railleur et disparut promptement. Mais une demi-heure après, il revint les poches remplies d'or. Cependant, aux dernières tailles, le vieillard fut forcé de s'arrêter car il avait déjà perdu tout l'or qu'il avait apporté. Le dédain et le mépris qu'on témoignait au vieillard avaient fort indisposé le chevalier, que sa vie désordonnée n'avait pas entièrement rendu étranger aux bienséances. Ce lui fut un motif de faire une remontrance à ceux des joueurs qui se trouvait encore dans la salle après le départ du vieillard. « Vous ne connaissez pas le vieux Francesco Vertua, chevalier ?» s'écria l'un d'eux. « Sans cela, loin de blâmer notre conduite, vous l'approuveriez hautement. Apprenez donc que ce Vertua, napolitain de naissance, s'est montré depuis 15 ans qu'il est à Paris, le ladre le plus horrible qu'on y ait jamais vu. Tout sentiment humain lui est inconnu. Il verrait son propre père expié à ses pieds, qu'il ne donnerait pas un louis d'or pour le sauver. Les malédictions d'une multitude de familles qu'il a ruinées par ses spéculations infernales le poursuivent. Il est haï de tous ceux qui le connaissent, et chacun le voit à la vengeance du ciel. Jamais on n'avait joué, et vous pouvez comprendre l'étonnement que nous avons éprouvé en le voyant entrer dans cette maison. N'eût-il pas été bien malheureux qu'un tel homme gagnât notre mise? La richesse de votre banque l'a attiré vers vous, chevalier. Il a perdu lui-même ses plumes. Mais jamais le vieil avare ne reviendra. Nous sommes débarrassés de lui pour toujours. » Cette prédiction ne se réalisa pas, car la nuit suivante, Vertua se retrouva déjà à la banque du chevalier où il perdit beaucoup plus que la veille. Mais il resta calme, souriant quelquefois d'un air d'ironie amère, comme s'il eût prévu que tout devait bientôt changer. Mais la perte du vieillard grossit de nuit en nuit comme une avalanche, jusqu'à ce qu'enfin on en vint à compter qu'il avait laissé à la banque 30 000 louis d'or. Une fois, le jeu était commencé depuis longtemps. Il entra, pâle et défait, et se plaça loin de la table, les yeux fixés sur les cartes que tirait le chevalier. Enfin, lorsque le chevalier eut mêlé les cartes, et au moment où il se disposait à commencer une nouvelle taille, le vieillard s'écria d'une voix qui fit tressaillir tout ce qui l'entourait. « Arrêtez !» Repoussant alors la foule des joueurs, il se fit jour jusqu'au chevalier et lui dit à l'oreille d'une voix sourde « Chevalier, voulez-vous tenir ma maison dans la rue Saint-Honoré, avec tout ce qu'elle contient, mes meubles, mon argenterie et mes bijoux, contre 80 000 francs ?»« Bon, » répondit froidement le chevalier, et sans se retourner vers le vieillard, il commença la taille. La dame, dit Vertua, et au premier coup, la dame avait perdu. Le vieillard tomba presque à la renverse et se retint contre la muraille. Il resta immobile comme une statue. Personne ne s'occupa de lui. Le jeu était achevé. Les joueurs se dispersaient. Le chevalier, aidé de son croupier, entassait l'or du jeu dans sa cassette. Alors le vieux Vertua s'avança de son coin comme un spectre et dit d'une voix sombre « Chevalier, encore un mot, un seul mot. Eh bien, qu'y a-t-il ? » répliqua le chevalier en fermant sa cassette et en regardant le vieillard d'un air de mépris. « J'ai perdu toute ma fortune à votre banque, » répondit Vertua. « Il ne me reste rien, rien. Je ne sais où je poserai demain ma tête, comment j'apaiserai ma faim. Chevalier, je cherche auprès de vous mon refuge. Prêtez-moi la 10e partie de la somme que vous venez de me gagner, afin que je recommence mon commerce et que je me retire de cette misère. « À quoi songez-vous, signor Vertua ?» dit le chevalier. Ne savez-vous pas qu'un banquier ne doit jamais rendre l'argent de son gain? Cela choque toutes les règles, dont je ne m'écarte jamais. Vous avez raison, chevalier. reprit Vertois. Mes prétentions étaient absurdes, exagérées. La dixième partie. Non, prêtez-moi seulement la vingtième. Je vous dis, répondit le chevalier avec humeur, que je ne prêterai rien de mon gain. Il est vrai, dit Vertois, dont le visage pâlissait toujours davantage et dont les regards devenaient de plus en plus sombres, il est vrai que vous ne devez rien prêter. Je ne l'aurais pas fait non plus. Mais on donne une aumône à un mendiant. Donnez-moi 100 louis d'or sur les richesses que le hasard vous a envoyées aujourd'hui. Non, en vérité, s'écria le chevalier en colère. Vous vous entendez bien tourmenter les gens, signor Vertois. Je vous le dis, vous n'aurez de moi ni 100, ni 50, ni 20, ni même 1 seul louis d'or. Il faudrait que j'eusse perdu l'esprit pour vous donner les moyens de continuer votre abominable métier. Le destin vous a jeté dans la poussière comme un ver malfaisant. Il serait criminel de vous relever. Allez, et subissez le sort que vous avez mérité. » Vertois se cacha le visage de ses deux mains et se mit à gémir profondément. Le chevalier ordonna à ses gens de porter sa cassette dans sa voiture et s'écria d'une voix forte. « Quand me remettrez-vous votre maison et vos effets, signor Vertois ?» Vertois se releva subitement et répondit d'une voix assurée. « Tout de suite. En ce moment, chevalier, venez avec moi. »« Bien, » répliqua le chevalier. « Je vais vous conduire dans ma voiture à votre maison, que vous quitterez demain. » Durant tout le chemin, Vertois et le chevalier ne prononcèrent pas un seul mot. Arrivé devant la maison, dans la rue Saint-Honoré, Vertois tira la sonnette. Une petite vieille ouvrit et s'écria en apercevant Vertois. « Seigneur du ciel, est-ce vous enfin, monsieur ? Angela est de demi-morte d'inquiétude à cause de vous. »« Silence, » répond Vertois. « Fasse le ciel qu'Angela n'ait pas entendu le bruit de cette malheureuse sonnette. Il faut qu'elle ignore que je suis venu. » À ces mots, il prit le flambeau des mains de la vieille, qui était restée immobile de surprise, et éclaira le chevalier. « Je suis préparé à tout, » dit Vertois. « Vous me haïssez, chevalier, vous me méprisez, vous prenez plaisir à causer ma ruine. Mais vous ne me connaissez pas. Apprenez que j'étais autrefois un joueur comme vous, que le sort capricieux me fut aussi longtemps favorable, qu'en parcourant l'Europe, partout où je m'arrêtais, le bonheur s'attacha à moi, et que l'or afflua dans ma banque, comme il afflue dans la vôtre. J'avais une femme belle et fidèle que je négligeais, et qui vécut malheureuse au milieu de l'opulence. Un jour, à Gênes, où je tenais alors ma banque, il arriva qu'un jeune Romain vint risquer à mon jeu tout son riche héritage. Comme je l'ai fait aujourd'hui, il me supplia de lui prêter au moins quelque argent pour retourner à Rome. Je le refusais, en riant avec mépris. Et lui, dans sa fureur, il me plongea son stylet dans le sein. Ce fut difficilement que les médecins parvinrent à sauver mes jours, et ma convalescence fut longue et douloureuse. Ma femme m'entoura de soins. Elle me consola, elle me soutint contre mes maux, et je sentis renaître en moi avec la santé un sentiment que je croyais éteint à jamais. Ou plutôt, j'éprouvais une passion qui m'était inconnue. Car tous les sentiments humains sont éteints pour le joueur. J'ignore encore ce que c'est que l'amour et le fidèle dévouement d'une femme. Je sentis vivement combien j'étais coupable envers la mienne, et je me repentis de l'avoir sacrifiée à un penchant funeste. Je vis apparaître comme des esprits vengeurs tous ceux dont j'avais causé la ruine, dont j'avais anéanti avec sang-froid l'existence entière. J'entendais leur voix sourde qui s'échappait du tombeau et me reprochait tous les crimes que j'avais causés. Ma femme seule avait le pouvoir de bannir par sa présence ses terreurs, ses angoisses sans nom. Je fis le serment de ne plus toucher une seule carte. Je m'éloignai, et m'arrachant des liens qui me retenaient, repoussant les instances de mes croupiers, je m'établis dans une petite maison de plaisance auprès de Rome. Hélas, je ne jouis qu'une année d'un bonheur et d'une satisfaction dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Ma femme mit au monde une fille, et mourut quelques heures après. Je tombai dans un profond désespoir, j'accusai le ciel, et je me maudis moi-même, et comme un criminel qui craint la solitude, je quittai ma maison et je vins me réfugier à Paris. Angela, la douce image de sa mère, grandissait sous mes yeux. Toute mon affection s'était concentrée en elle. Ce fut pour elle seule que je tentais d'accroître ma fortune. Il est vrai, je prêtais de l'argent à gros intérêts. Mais c'est une calomnie que de m'accuser d'avoir trompé les malheureux qui venaient à moi. Et qui sont mes accusateurs? des misérables qui me tourmentent sans relâche pour que je leur prête de l'argent, des prodigues qui dissipent leurs biens et qui entrent en fureur lorsque j'exige le paiement des sommes qu'ils me doivent, dont je ne me regardais que comme le régisseur, car toute ma fortune était pour ma fille. Il n'y a pas longtemps que je sauvais un jeune homme de l'infamie en lui avançant une somme considérable sur son héritage. Croiriez-vous, chevalier, qu'il niait sa dette devant les tribunaux et qu'il refusa de la quitter? Je pourrais vous citer 20 traits de ce genre qui ont concouru à me rendre impitoyable et à me convaincre que la légèreté entraîne toujours avec elle la corruption. Il y a plus. Je pourrais vous dire que j'ai séché bien des larmes, que plus d'une prière s'est élevée au ciel pour moi et pour mon Angela. Mais vous refuseriez de me croire, et vous m'accuseriez de me vanter, car vous êtes un joueur. J'avais cru que les puissances infernales étaient apaisées, mais il leur était donné de m'aveugler plus que jamais. J'entendis parler de votre bonheur, chevalier. Chaque jour, je rencontre un joueur dont vous aviez fait un mendiant. La pensée me vint que j'étais destiné à mesurer mon bonheur, qui ne m'a jamais abandonné contre le vôtre, que j'étais appelé à mettre fin à vos déprédations, et cette idée ne me laissa pas de relâche. C'est ainsi que je me présentai à votre banque, et que je ne la quittai pas avant que toute la fortune de mon Angela fût tombée dans vos mains. C'en est fait. Me permettrez-vous d'emporter les vêtements de ma fille? La garde-robe de votre fille ne me regarde pas, dit le chevalier. Vous pouvez aussi emporter vos lits et les ustensiles de votre ménage. Qu'ai-je besoin de toutes ces misères? Mais prenez garde de soustraire quelque objet de valeur, j'y veillerai. Le vieux Vertois regarda fixement le chevalier durant quelques secondes, puis un torrent de larmes s'échappa de ses yeux. Il tomba aux genoux du chevalier et lui cria avec l'accent du désespoir. « Ayez encore un sentiment humain. Soyez compatissant envers nous. Ce n'est pas moi, c'est ma fille, mon Angela, un ange innocent dont vous causez la ruine. De grâce, ayez pitié d'elle. Prêtez-lui, à elle seule, la 20e partie de cette fortune que vous m'avez arrachée. J'en suis sûr. Vous vous laisserez toucher. Oh, Angela, ma fille !» Et dans ses gémissements entrecoupés, le vieillard répétait sans cesse, d'une voix étouffée par les sanglots, le nom chéri de son enfant. « Cette scène de comédie commence à me fatiguer, » dit le chevalier avec indifférence et d'un ton d'humeur. Mais au même instant, la porte s'ouvrit, et une jeune fille en blanc déshabillée de nuit, les cheveux épars, la mort peinte sur ses traits, se précipita vers le vieux Vertois, le releva, le pressa dans ses bras et s'écria « Oh, mon père, j'ai tout entendu, je sais tout. Avez-vous donc tout perdu? N'avez-vous plus votre Angela? Ne travaillera-t-elle pas pour vous, mon père? Oh, mon père! Ne vous abaissez pas plus longtemps devant cet homme orgueilleux. Ce n'est pas nous qui sommes pauvres et misérables, c'est lui qui vit dans sa richesse abandonnée comme dans une solitude. Il n'est pas de cœur au monde qui batte près du sien, dans lequel il puisse verser ses peines quand la vie le désespère. Venez, mon père, quittez cette maison avec moi, partons, afin que cet homme ne se délecte pas plus longtemps de votre douleur. » Vertois tomba presque sans mouvement sur un siège. Angela s'agenouilla devant lui, prit ses mains, les baisa, les couvrit de caresses, énuméra avec une volubilité enfantine tous les talents, toutes les connaissances qu'elle avait, et qui pouvaient suffisamment nourrir son père. Elle le conjurait en versant des larmes de ne pas s'abandonner à la douleur, car elle se trouvait plus heureuse de coudre, de broder, de chanter pour son père, que lorsque tous ses talons ne servaient qu'à son plaisir. Quel pécheur endurci eût pu demeurer indifférent à la vue d'Angela dans tout l'éclat de sa beauté, consolant son vieux père et lui prodiguant tous les trésors de son cœur, tous les témoignages de l'affection et de la piété filiale. Le chevalier éprouva un tourment et un remords violent. Angela lui semblait un ange devant lequel disparaissaient toutes les illusions de la folie, tous les égarements du vice. Il se sentit embrasé d'une flamme nouvelle qui changea tout son être. Le chevalier n'avait jamais aimé. Le moment où il vit Angela fut pour lui une source de tourment sans espoir, car tel qu'il devait paraître aux yeux de cette jeune fille, il ne pouvait espérer de la toucher. Il voulut parler, mais les paroles lui manquèrent. Sa voix s'éteignit et il eut peine à prononcer ces mots. « Signor Vertois, écoutez-moi. Je ne vous ai rien gagné, rien. Voici ma cassette, elle est à vous. Je vous dois encore autre chose. Je suis votre débiteur. Prenez, prenez. » « Oh, ma fille !» s'écria Vertois. Mais Angela se releva, s'avança vers le chevalier, le mesura d'un fier regard et lui dit avec fermeté « Chevalier, apprenez qu'il est quelque chose de plus élevé que la fortune et l'argent. Les sentiments qui vous sont étrangers et qui nous donnent des consolations célestes. Ce sont ceux qui nous apprennent à repousser vos dons avec mépris. Gardez le trésor auquel est attachée la malédiction qui vous poursuivra, joueur impitoyable. » « Oui, s'écria le chevalier, oui, je veux être maudit. Je veux descendre au fond des enfers, si cette main touche encore une carte. Et si vous me repoussez loin de vous, Angela, vous seul aurez causé ma perte. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous me prenez pour un insensé. Mais vous comprendrez tout, vous saurez tout. Quand je viendrai me brûler la cervelle à vos pieds, Angela, c'est de la mort ou de la vie qu'il s'agit pour moi. Adieu. » À ces mots, le chevalier disparut. Berthois le pénétrait jusqu'au fond de l'âme. Il savait tout ce qui s'était passé en lui, et il chercha à persuader à Angela qu'il pourrait arriver des circonstances qui le forçassent à accepter le présent du chevalier. Angela frémissait de comprendre son père. Elle ne pensait pas qu'elle pût jamais voir le chevalier autrement qu'avec mépris. Mais ce qu'il était impossible de songer, ce qui semblait invraisemblable, arriva par la volonté du sort qui a placé tous les contrastes au fond du cœur humain.